Chapitre 167. La recommandation de voyager en groupe et de désigner un chef à qui obéir. 958. D'après Ibn Omar, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: si les gens connaissaient les risques à voyager seul, aucun cavalier ne voyagerait tout seul la nuit. Al-Bukhari. 959. Selon Amr ibn Shu'ayb, d'après son père, d'après son grand-père, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: le voyageur isolé est accompagné d'un démon. Et deux voyageurs sont accompagnés de deux démons. Mais trois personnes forment un vrai groupe de voyageurs. Abu Daoud, An-Nasa'i selon une chaîne authentique, et At-Tirmidhi a dit: Hadith Hassan. 960. Selon Abu Sa'id al-Khudri et Abu Huraira radiallahu anhuma, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: quand trois personnes partent en voyage, qu'elles désignent un chef à leur tête. Abu Daoud selon une bonne chaîne de narrateurs. 961. D'après Ibn Abbas radiallahu anhuma, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: le nombre idéal de compagnons est 4. Le nombre idéal de combattants pour un détachement est 400. Et le nombre idéal pour une armée est 4000. Et sachez enfin que 12 000 hommes ne seront jamais vaincus à cause de leur petit nombre. Abu Daoud et At-Tirmidhi a dit: Hadith Hassan. 962.